Très humble serviteur de Monsieur le Comte. En quoi puis-je vous rendre service? On m'a dit que des chanteurs étaient arrivés hier à votre hôtellerie. Est-ce vrai? Oui, monsieur. Un castrat. Et une femme. Un castrat lequel? Un certain Carluccio. Surnommé Grumeau. Je crois que oui. Je le connais. C'est un jeune qui ne manque pas de talent, mais qui a de l'impertinence à revendre. Moi, je le protège parce que s'il le veut, il peut devenir quelqu'un. Mais pour le rendre un peu raisonnable, il n'y a pas d'autre moyen que de le traiter sans façon et de l'humilier. Au dernier carnaval, je l'ai envoyé à Gênes, où j'ai l'impression qu'à cause de ses impertinences, les impresarios n'ont guère eu sujet de m'être très reconnaissant. Et la femme, qui est-ce? La femme est Madame Lucrezia Giugioli, de Florence. Elle est surnommée Siro de Cedra. Siro de Cedra. Que diable signifie Siro de Cedra? Mais comment, monsieur, vous ne savez pas qu'à Florence, on appelle les cafetiers vendeurs de Siro de Cedra? Elle sera probablement fille d'un de ces gens-là. Sans doute. A-t-elle du talent? Ah, je l'ignore, monsieur, je ne l'ai pas entendu. Est-elle belle, au moins? Pas mal. Est-elle déjà venue à Venise? Je ne crois pas. Pourrait-on lui faire une visite? Elle est ici, dans cette chambre. Mais il est encore trop tôt. Elle dort encore? J'ai su qu'elle est réveillée, mais il lui faudra au moins 2 heures avant d'être en état de recevoir des visites. Elle voudra se bichonner. Assurément. Peut-être que si vous la voyez maintenant, dans 2 ou 3 heures, vous ne la reconnaîtriez plus. Bien. Je viendrai plus tard. Faites-lui entre-temps le message. Dites-lui qu'un gentilhomme désire lui présenter ses hommages. Venez quand il vous plaira. Je vous dirai en confidence qu'elle m'a fait l'honneur de me demander que je m'emploie à lui faire faire la connaissance de quelques seigneurs. Votre seigneurie peut venir lui offrir sa protection. Ma protection, oui. Tant qu'elle voudra. Mais si elle croit me plumer, elle se trompe. Je fréquente les chanteuses, je les assiste, j'obtiens pour elles des avantages. Mais mon bien... elles ne le mangeront pas. Bravo, vous avez bien raison de rester sur vos gardes. Écoutez un peu l'aventure arrivée il y a 3 jours dans mon hôtellerie. Ah, seigneur de Bologne, qui avait dépensé tout ce qu'il pouvait, et même plus qu'il ne pouvait pour une jeune chanteuse. Devant quitter sa ville à la suite d'un nouveau contrat, il arriva ici, et suivi de son chevalier servant, ils soupèrent ensemble. Et après avoir soupé, la jeune femme demande de l'eau pour se laver les mains. Elle se lave, s'approche de la fenêtre, jette l'eau dans le canal et se retournant vers son amant consterné, le regarde, éclate de rire et lui fait ce beau compliment. « Je ne suis plus maintenant à Bologne, je suis à Venise. Je me lave les mains et jette dans le canal le souvenir de tous les Bolognais. » Le pauvre gentilhomme reste quelques instants immobile, sans parler, puis « Ingrate, dit-il, je mérite pis, vous ne me verrez jamais plus. » Sur ces mots, il sort comme un fou. Et elle l'accompagne d'un solennel éclat de rire. Pauvre homme. Fâcheuse est l'aventure. Mais ce n'est pas la première fois qu'elle arrive. Hein. Avec votre permission. Je condamne cette femme. Non pour s'être débarrassé du Bolognais, mais pour le manque d'élégance. avec lequel elle l'a fait. D'ailleurs, on sait que ces femmes, habituées à changer de ville, sont prêtes à changer de passion chaque semaine. Il a bien de la chance, celui qui peut dire « Une telle m'a été fidèle tant qu'elle a été avec moi. » Serviteur de Monsieur le Comte. Ah, Messire Carluccio, mes respects. Bien rentré de Gênes. Ça a marché pour vous? Êtes-vous content de cette ville? À Gênes. Jamais plus. M'y tirerait-on avec des chaînes? Pourquoi? Pourquoi? Non, mais cet impresario en a si mal usé avec moi que si jamais j'y retourne, je veux bien être pendu. À moi seul, j'ai soutenu le spectacle. Tout le monde était ensorcelé par ma voix. Et cet avare, cet ingrat d'impresario voulait m'obliger à chanter tous les soirs. J'étais amoureux fou de la prima donna, mais quand il y avait le plus léger nuage entre nous, il m'était impossible de chanter. Et lui, qu'il savait, au lieu de me prendre en pitié, voulait, par mesquinerie, m'obliger à m'égosiller. Savez-vous ce qu'il a fait? Ce chien, il a déclaré, et mis dans mon contrat, que pour chaque air non chanté, il montrait 2 sequins de mon cachet. D'où la nécessité, pour moi, si je ne voulais pas être réduit à jouer pour rien, de chanter sans arrêt. Excellent impresario. Impresario béni. Si vous autres chanteurs étiez tous traités ainsi par les impresarios, oh, combien seriez-vous moins paresseux et moins souvent enrhumés. Un honnête homme dépense son argent en croyant s'assurer de la jolie voix de Monsieur le Canari ou de Monsieur le Rossignol. Et lui, parce que la belle ne l'a pas regardé, il défare. Il ne peut plus chanter. Il trompe son public. La salle se vide. Et l'impresario doit le payer, belle justice. Encore une fois, béni soit l'impresario de Gênes. Ce raisonnement ne vaut pas pour un chanteur de mon calibre. Mmh. Traite-t-on ainsi mes semblables? Je chante quand j'en ai envie. Et une fois que je chante, j'en vaux 100. Si vous faites ainsi, bien cher messire Carluccio, croyez-moi, vous ne serez pas engagé bien souvent. Oh, je ne demande rien à personne. Je tiens mon rang. D'ailleurs, les impresarios ont plus besoin de moi que moi d'eux. À ce que je comprends, en peu de temps, vous avez fait de grands progrès. Vous croulez sous les richesses. Elles sont encore en fleurs. Mmh. Je n'ai pas amassé de grandes sommes. Mais avec le temps, j'en amasserai. Maintenant, par exemple, qu'en est-il de vos finances? Maintenant. Je n'ai pas un sou. Et j'ai laissé ma malle chez le maître de poste. Mais avec ça, l'or, l'argent pleuvront sur moi. Que faut-il entendre? Vous n'avez pas le rond et vous commencez déjà à semer la pagaille dans le métier. Assurez-vous d'abord d'un capital et de sonnantes espèces. Et faites ensuite, à votre tour, ce que font les autres. Vous pourrez dire, alors, je veux 1000 sequins, je veux chanter quand je veux. S'il vous plaît, monsieur le comte, auriez-vous l'occasion de me procurer un rôle? Voulez-vous aller à Mantoue? À Mantoue? Pourquoi pas? Mais comme premier castrat. Et comme deuxième? Ah, ça, non, alors. Le premier est déjà pourvu. Et je sais que c'est quelqu'un de premier ordre. Moi, je ne cède à personne. Vous me faites rire! Et pour votre prétention, je devrais vous planter là. Je ne puis perdre mon temps avec vous. Mais vous me faites pitié. Et je veux être votre bienfaiteur. Même si vous ne le méritez pas. Réfléchissez que la saison est avancée. Et que si vous n'acceptez pas ce rôle, peut-être n'en trouverez-vous pas d'autre cette année. Combien paie-t-il? Je sais qu'on a donné l'an dernier 100 sequins au deuxième castrat, mais cette année... Eh bien, qu'on m'en donne 300 et j'accepterai le rôle. Ce sera pour moi comme des vacances. Cette année, voulais-je dire, ils ont eu de gros frais et ne peuvent en donner que 50. Non, mais pour ce prix, qu'ils aillent recruter des ânes. Mes semblables ne chantent pas pour 50 sequins. À la bonne heure. Et si vous restez en plan? Je serais fâché de manquer d'exercice. Les voulez-vous, les 50? Tout ce que je puis faire, c'est de me contenter de 200. Impossible. La somme est fixée. Bon, cette fois, j'accepte de chanter pour rien. Qu'on m'en donne 100. Inutile d'en parler. Bon. Alors qu'on m'en donne 80. Voulez-vous que je vous dise? Vous commencez à me taper sur les nerfs. Monsieur le comte. Cet impresario vous tient-il vraiment à cœur? Oui, c'est mon ami, je voudrais lui rendre service, mais c'est d'abord pour vous. Pas un mot de plus. Puisqu'il s'agit de faire plaisir à monsieur le comte, j'accepterai les 50 sequins. Mais pour sauver l'honneur, je veux un contrat simulé de 500 et l'aval d'un banquier. C'est bon. Pour contenter votre orgueil, on fera le contrat, comme vous voulez. Quant au paiement, j'en réponds. Pourrait-on avoir un petit acompte? J'ai créé un impresario. Oui, mais vous, ne pourriez-vous avoir l'obligeante? Ce n'est pas moi qui paie. Prêtez-moi au moins 6 sequins. Il faut que je parte, nous en parlerons. Si vous me faites cette grâce... Oui, oui. Au revoir. La bonne âme de monsieur le comte refuse de me prêter 6 sequins. D'a peur que je ne les lui rende pas. Comme si 6 sequins étaient une grande somme. Quand j'en ai, moi, il s'envole en chocolat. C'est vrai que j'ai des dettes. Mais je les paierai. Ou je ne les paierai pas. Moi aussi, comme dit le proverbe, avec le temps et avec le blé, je mûrirai. Si je vais au Portugal, si je vais en Russie, je récolterai des trésors et je reviendrai richissime. Je ferai construire des palais et ce ne seront point châteaux en l'air, mais palais sur terre, grand, magnifique, avec des possessions merveilleuses, quelques titres de comte ou de marquis, des richesses immenses. Et alors, monsieur le comte Lasca pourra toujours m'offrir un rôle de 50 sequins. J'espère que madame Lucrezia sera en train. Ah, monsieur l'aubergiste. Hôtelier. Pour vous servir. Envoyez prendre ma malle au courrier de Bologne. À vos ordres. Me la remettra-t-on sans difficulté? Mais assurément. Et faites donner au maître de poste 2 sequins que je lui dois pour le voyage. Ah, ayez l'obligeance. Et faites donner 8 lire de pourboire aux hommes du bateau postal. Ayez l'obligeance, disais... Dépêchez-vous, monsieur l'aubergiste. Je ne suis pas aubergiste, mais hôtelier. Je vous disais d'avoir l'obligeance de me donner de l'argent. Mais... Avancez-le vous-même, je vous paierai tout à la fois. Mais oui, avec toutes mes excuses. Ne me connaissez-vous pas, monsieur l'aubergiste? Je ne suis pas aubergiste, mais hôtelier. Et je n'ai pas l'honneur de vous connaître. Je vous connais que trop. Oui, aubergiste ou hôtelier que vous soyez, vous êtes un sot d'un point à connaître les hommes de mon espèce. Je suis tout à fait persuadé que vous êtes un chanteur de talent, estimable et fort riche, mais je n'ai d'argent à prêter à personne. Imbécile, je ne vous demande pas de me prêter de l'argent. Donnez-moi donc les 50 lire. Ne m'ennuyez plus! Et envoyez prendre ma malle. Je n'en verrai prendre rien du tout. Mais vous mériteriez que je m'en aille de votre auberge. Mon hôtellerie n'a besoin de personne. Par l'assembleur, envoyez prendre ma malle. Ah, vous êtes incroyable. Et toi alors? Toi, quel est ce tu? Tais-toi, je te traite comme tu le mérites. Attention, prenez garde à vos paroles. Quel est ce vacarme? Qu'avez-vous, messieurs Carluccio? Oh. Ma chère Lucrezia, ma déesse, ma reine, comment allez-vous? Comment avez-vous dormi cette nuit? Bien mal. Ma chambre est au-dessus du canal, et l'odeur de canal m'offense. Monsieur l'aubergiste, il faut changer la chambre de madame Lucrezia. Je n'ai pas d'autre chambre à lui donner, et celui qui n'est pas content peut s'en aller. Et vous en particulier, monsieur. Prenez mon hôtellerie pour une auberge. Mais allons, allons. Calmez-vous. Il m'importe que cette grande artiste soit satisfaite. Si vous voulez, je vous céderai ma chambre et je passerai dans la vôtre. Vous verrez, madame, que la mienne vous donnera entière satisfaction. Faites tout de suite porter nos affaires. Allons, monsieur l'aubergiste. Pardon. Monsieur l'hôtelier. Appelez vos gens. Faites porter les affaires de madame dans ma chambre et les miennes, envoyez prendre ma malle. Je vous le dis franchement. Ma belle, si cela vous plaît, nous ferons table commune. Trop heureuse. Je n'aime pas être seule et votre compagnie m'amuse. Oh. Ami, prêtez-nous bien. Un bon déjeuner, un bon dîner. Enfin, tout ce qu'on fait de mieux ici. Surtout du bon vin, de bonne liqueur. Nous sommes accoutumés à vivre avec splendeur. Traitez-nous bien et n'ayez peur de rien, c'est moi qui paierai. Non, mais moi, monsieur... Je veux que nous ayons de la gaieté. Pendant le peu de temps que nous resterons ici à attendre l'occasion d'un bon rôle. Mais moi, à dire le vrai, je ne suis guère en état pour l'instant de faire de grandes dépenses. N'y songez pas. Laissez-moi faire. Vous êtes ma princesse. Mon ami, vous m'avez compris. Parlons franchement, monsieur. Faites-vous honneur. Faites honneur à votre hôtellerie. Hôtellerie célèbre, fameuse, renommée. Vous êtes le premier hôtelier d'Europe et nous sommes deux chanteurs qui pouvons vous être utiles. Oui, tout cela, excusez-moi, m'est complètement égal. Je suis un homme de bien qui m'arrange comme je peux et je ne veux pas... Allons, allons. Moins de bavardage et plus d'empressement. Ma chère Lucrezia, voulez-vous que nous allions nous amuser ? Comme il vous plaira. Voulez-vous une gondole ? Vite, une gondole à deux rames. Envoyez-la chercher vous-même. Quelle impertinence ! Je veux être servi. Je paye. Et je paye bien. Et je veux être servi. Si vous payez... Et ne me faites pas mettre en colère, hein ? Parce que quand elle me monte... Ah, voici monsieur le comte. Madame, un gentilhomme désire vous présenter ses hommages. Et qui est ce gentilhomme ? Le comte Lasca. Ami et grand protecteur des chanteurs. Le comte Lasca, madame... C'est bien l'honneur. Adieu, messire Carluccio. Avec quelle hâte il est parti. Alors, je sais, moi, pourquoi il est parti. Le comte lui fait peur. Voulez-vous recevoir, monsieur le comte? C'est une grâce qu'il me fera. Voulez-vous passer dans votre chambre? Le lit n'est pas fait, je le recevrai ici. Comme il vous plaira, le lieu s'y prête. Je vais lui dire d'entrer. Et dites-moi, il est riche. C'est quelqu'un de fort à l'aise. Il est généreux. Là-dessus, je ne puis vous répondre. Je vous laisse le soin d'en faire l'expérience. Carluccio, je le connais. On ne peut guère lui faire confiance. Beaucoup de fumée, mais peu de rôti. Très humble serviteur de madame. Votre dévouée servante. Pardonnez-moi si j'ai pris l'audace. Je vous en prie. C'est votre seigneurie qui me fait l'honneur. Asseyez-vous. Vous êtes de Florence, à ce qu'on m'a dit. Pour vous servir. Et votre nom est Lucrezia. Oui, monsieur. Crezina, pour vous servir. Y a-t-il longtemps que vous faites ce métier ? Pardonnez-moi, monsieur. Il ne peut y avoir longtemps. À peu de choses près, vous pouvez voir d'après mon âge. Je n'ai chanté qu'à Pise. On voulait m'engager aussitôt pour Livourne, mais j'ai voulu sortir de ma province et je désire me faire entendre à Venise. Si vous voulez un bon rôle, j'espère ne pas tarder à vous en fournir l'occasion. À Venise, ou en Lombardie, ou dans n'importe quel lieu où vous puissiez vous faire honneur. Je connais tous les impresarios, les plus réputés d'Italie. Tous ces gens qui exploitent les chanteurs et les chanteuses. Et j'entends favoriser qu'ils méritent. J'espère que vous ne serez pas mécontent de mon talent. Et que vos amis, peut-être, vous remercieront. J'en suis sûr et certain. Êtes-vous soprana ou contralto? Oh, monsieur, j'aurais honte de chanter un rôle de contralto. Je suis soprana. Sopranissima. Et de voix comme la mienne, on n'en trouve guère. Je m'en réjouis infiniment. À Pise, avez-vous chanté comme prima donna ou comme seconda? Je vais vous le dire. C'était la première fois que je sortais de ma coquille. Et cet imbécile d'impresario me donna un petit rôle. Mais lorsqu'on m'y entendu, on conçut de moi une telle estime que je fis rentrer la prima donna sous les planches. Quand les autres chantaient, le public faisait un de ses vacarmes. Mais quand c'était mon tour, tout le monde se taisait. Puis, applaudissait avec fureur. Cet air merveilleux, déployant ses plaintes, s'en va la tourterelle. Ils s'en souviennent encore. Pourriez-vous avoir la bonté de me faire entendre ce joli petit air? Oh, volontiers pour vous servir. Mais le clavecin que l'hôtelier a fait porter dans ma chambre est complètement désaccordé. Qu'importe, je vous entendrai sans le clavecin. Pardonnez-moi, monsieur. Je ne chante pas sans accompagnement. Je ne pense pas que vous me preniez pour une petite chanteuse de 4 sous. Pardonnez-moi, ne vous mettez pas dans colère. Vous chantiez ou ne chantiez pas, je vous reste tout dévoué. Mais sachez, pour votre règle, que je fais plus de cas des chanteuses qui montrent de la bonne volonté et ne se font pas prier. Oh. Je ne suis pas de cette espèce. Au contraire, je me pique d'être très obligeante. Allons, s'il en est ainsi. Faites-moi le plaisir de me chanter une bagatelle, seulement pour me faire entendre votre voix. Mille pardons, c'est impossible. J'arrive à peine de voyage et je suis enrhumée au plus haut point. À la bonne heure. Je m'y attendais à ça aussi. Le rhume est l'excuse habituelle. Absolument pas. Si vous me faites l'honneur de venir me voir, vous verrez que je suis sincère et obligeante. Et que ma faiblesse est quelquefois de l'être même trop. Quand une personne a des bontés pour moi, croyez-moi, monsieur, je sais lui montrer de la reconnaissance. J'ai compris. Elle est jeune, mais connaît la chanson. Et je vous assure, madame, que vous pourrez faire de moi tout ce que vous voudrez. Je suis un ami fidèle, et quand je m'engage, je tiens parole. S'il vous plaît, monsieur, auriez-vous sous la main un bon perruquier pour apprêter ma coiffure? Je n'en connais pas un seul. Je me fais coiffer par mon valet de chambre. Et ne pourriez-vous pas m'envoyer votre valet de chambre? Pour les femmes, il n'est bon à rien. Et un cordonnier? Pour le cordonnier, vous pourrez vous adresser à l'hôtelier. Je sais qu'il en a un au service de son hôtellerie. Il est très habile, mais j'ignore où il se trouve et comment il s'appelle. Parce que je vois, je suis bien tombée. Avec moi, il n'y a rien à faire. C'est simple respect, madame Lucrezia, serviteur de monsieur Comte. Qui est cet homme? D'où me connaît-il? C'est monsieur Nibbio, honnête homme expérimenté, et qui a fait ses preuves. Grand connaisseur de théâtre. Célèbre agent dramatique des chanteurs et des chanteuses. Monsieur le Comte est trop bon. Ami, si vous avez quelque occasion d'engager une artiste, je vous assure que cette dame a un mérite infini. Elle a une voix prodigieuse, aussi nette et claire qu'une clochette d'argent. Elle connaît la musique à la perfection. Et ce qui fait surtout sa valeur, c'est qu'elle n'est jamais enrhumée. Très bon capital que voilà. Monsieur le comte, est-ce qu'il me semble se moque un peu de moi? Si monsieur le comte l'a entendu, je ne doute pas de son talent et je m'en tiens à ce qu'il me dit. C'est un prodige, je vous assure. Et comme autre qualité admirable, elle n'est pas de celles qui cherchent à exploiter leurs amis. Je lui ai offert mon coiffeur et mon cordonnier qu'elle a refusé par délicatesse. Que la rage t'emporte, peut-on avoir la langue mieux pendue? Peut-être que monsieur Nivio, sachant le tas que me fait cet artiste, voudra lui offrir quelques bonnes occasions. Ça ne serait pas impossible. Monsieur, quand je parle, c'est toujours à cœur ouvert. Si vous faites quelque chose pour moi, je ne serai pas ingrate. Ça oui, je vous l'assure, elle est généreuse. Et quelquefois, à ce qu'elle dit, elle l'est même trop. Mais pas avec tout le monde, monsieur. Pas avec tout le monde. J'ai compris. Mais moi, je reste le même avec toutes les femmes. Allons, monsieur Nibio, dites-nous ce que vous avez à nous dire. En vérité, j'ai fait hier une rencontre extraordinaire, merveilleuse, et qu'on peut considérer comme une chance inouïe. Mais je veux que personne ne l'apprenne. Je n'en fais la confidence qu'à vous et à cette dame. Mais silence, pour l'amour du ciel, silence. Oh, moi, je ne parle pas. Je suis femme, je suis jeune. Mais pour ce qui est de garder un secret, je puis vous promettre tout ce que vous voulez. Quand je vous le disais que madame est une merveille. Sachez donc qu'un Turc, négociant très connu à Smyrne, est arrivé à Venise sur un de ses navires pour écouler ses marchandises. Certains de ses amis, par intérêt ou par amusement, je ne sais, lui ont fourré dans la tête qu'il ferait une affaire d'or en ramenant à Smyrne une troupe de chanteurs et de chanteuses pour monter un opéra dans cette ville. Ils lui ont fait remarquer que dans un port marchand aussi vaste, il y a une quantité prodigieuse de Français, d'Anglais, d'Italiens, d'Espagnols, et que, en l'absence de tout divertissement public, une telle nouveauté servirait à la réputation d'un homme d'esprit comme lui, et pourrait faire la fortune d'un de ses subordonnés, si lui-même dédaignait les immenses profits que rapporterait une semblable entreprise. Le Turc, qui est honnête homme, et point avare, mais un peu capricieux, a écouté le conseil et s'est lancé dans l'entreprise. Mais dans ce genre d'affaires, il n'entend rien. Ses amis lui ont promis de l'aider et m'ont confié la mission de recruter les chanteurs et les chanteuses. Je suis convaincu que les premiers qui se rendront dans ces pays en rapporteront des malles pleines de sequins. Et moi, par égard pour monsieur le comte, je viens proposer l'affaire en premier à madame, à laquelle il manifeste tant d'intérêt et d'estime. Oh, ce serait pour moi la meilleure affaire du monde. Cher monsieur Nibio, je vous remercie infiniment. Vous voyez, madame, si mon amitié peut être utile. Oh, je serai pour toujours votre obligé. Oh oui, en parole, il est généreux. Hâtez-vous, monsieur Nibio, le temps est précieux. Si vous êtes habilité pour faire le contrat, mettons-nous d'accord sur le prix et faites-le immédiatement. Il est vrai que l'impresario, grâce à ses amis, a confiance en moi, mais je veux qu'il l'entende avant que je ne l'engage, pour qu'il ne dise pas un jour que je l'ai dupé. Il ne connaît rien en musique, mais je veux qu'il n'ait pas à se plaindre. Bravo. C'est me plaire que de parler ainsi. Amenez-le ici. Madame Lucrezia chantera sans faire de difficulté. Et le Turc sera tout ébobi de cet air merveilleux. Déployant ses plaintes, s'en va la tourterelle. Elle, dada. Pour de bon maintenant que la moutarde me monte au nez. Je vais voir si je le trouve et je l'amène ici tout de suite. S'il vient, il sera bien reçu. Mais je regrette que le clavecin soit désaccordé. Monsieur le comte, faites-moi au moins la faveur de m'envoyer un accordeur. Oui, oui, monsieur Nibio l'enverra. Ces choses-là relèvent de sa compétence. Il est du métier, il sait envoyer un accordeur à madame. Rapia de mon cul. Je l'enverrai immédiatement. Je me mets en quête du Turc. Ce devrait être une bonne affaire pour moi aussi. J'espère m'embarquer comme directeur de scène. Et entre les honoraires et les à côté, si tout va bien, j'espère rentrer riche en Italie et pouvoir devenir un presario. qui a pris le goût du théâtre ne peut plus s'en détacher. Et au bout du compte, si je reste les mains vides, tant pis. Je ne finirai jamais que comme j'ai commencé. Je me réjouis, madame, de vous avoir trouvé cette bonne occasion. Je vous suis très obligée. Mais la faveur, pour dire la vérité, ne vous a pas coûté grand-peine. Allons. Vous commencez déjà à me montrer votre reconnaissance. Vous semble-t-il peu de chose que, grâce à moi, une personne que je connais vous ait donné la préférence? Mais je ne me sens nullement blessé. Je connais si bien votre sexe et votre profession. Pardonnez-moi si je vous parle avec liberté, je suis un homme sincère. Je ne désire rien de vous, ni de votre si généreuse obligeance. Je rends service, en général. Je m'en flatte. Je m'en amuse. En même temps, j'estime ceux qui le méritent. Je suis l'ami de tous, et en particulier de la talentueuse, excellente et obligeante, Madame Lucrezia. Oh, puisses-tu crever? Quelle protection grossière! Quelque mal qu'on se donne, il évite de s'engager. Si je vais à Smyrne, j'en trouverai d'autres là-bas qui se feront fort d'être généreux. Il est vrai qu'en musique, je ne vaux pas encore grand-chose. Mais pour tout le reste, je ne le cède à personne. Je sais obliger avec grâce. Je sais rester honnête dans la complaisance et je sais plumer le pigeon sans le faire crier. Cher monsieur Pasqualino, depuis quelque temps, vous vous faites bien avare de votre personne. Suffit-il de dire Tonina, Emma, chanteuse, je l'aime, je l'estime, je n'irai point chanter sans elle. Si l'on m'engage moi comme ténor, il faut l'engager elle comme prima donna, et sans autre parole de tendresse et d'amour. Deux jours sans venir me voir, où étiez-vous passé pendant ces deux jours? J'ai été... Je n'en crois rien. Oh, laissez-moi parler. Taisez-vous. Croyez-vous que j'ignore que vous vous bagnaudez ça et là à l'affût de toutes les chanteuses? Dites-moi, vous êtes déjà allé voir cette Florentine qui est arrivée ici hier soir? Je n'y suis pas allé. Mais vous savez qu'elle est arrivée. Je le sais. Je parie que vous lui avez fait une visite. Aucunement. Vous riez? Oui, je ris parce que vous supposez que toutes les jeunes filles me courent après. Je ne dis pas qu'elles sont toutes amoureuses de vous, ne vous prenez pas pour l'idole de Cythère. Je dis que vous papillonnez, ça et là, en faisant le joli cœur et l'œil de merle en frit. Croyez-moi, Tonina. Taisez-vous, je connais toutes vos manigances. Mais vous me mortifiez. Oh, voyez-vous ça, pauvre petit innocent. Je le mortifie. Pauvre chou, dites-moi, depuis combien de temps n'êtes-vous pas allé chez la Bolognaise? Moi... Ah, ne ris pas, car je te jure que si tu me ris à la figure, je t'allonge une gifle. Oh, vous voulez que je vous dise, j'en ai par-dessus la tête. On dirait que je suis pour vous un serviteur à gage. J'ai pour vous de l'estime, de la considération, même de l'amour, si vous voulez, mais à la fin, j'en ai assez de toutes vos exigences. Allons, allons, ne vous échauffez pas les poumons. Ne vous mettez pas en colère. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Et je sais ce que je dis. Maudit soit le jour où l'on se prend à aimer un de ces vauriens. Avec les femmes, il ne faut pas se laisser mener par le bout du nez. Oh, s'il vous plaît, monsieur. À vos ordres. Vous riez encore? Mais je ris parce que vous savez à quel point je vous aime. Et vous faites semblant d'en douter. Impudent. Mais enfin... Allons, allons, moins de bavardage. Je ne puis tolérer... Silence, vous dis-je, vous parler. Parlez, je vous écoute. mériteriez que je vous rende la monnaie de votre pièce. Et que dans une occasion pareille, je me venge de vos négligences. En quoi avez-vous à vous plaindre de moi? Finissons-en. Êtes-vous engagé? Avez-vous un contrat avec quelque théâtre? Mais c'est un tort que vous me faites là. Avant de signer un contrat, je vous en aurais parlé. Puis-je vous en croire? Mais vous me feriez damner. Écoutez, je veux vous confier un secret. J'ai promis le silence, mais à mon cher Pasqualino, je ne peux rien cacher. Promettez-moi cependant, jurez-moi de ne rien dire à personne. Je vous le promets et vous pouvez compter sur ma parole. Le comte Lasca est venu me faire une visite et m'a dit en confidence et sous le sceau du secret le plus absolu qu'un Turc s'est mis en tête de former une troupe pour Smyrne. Qu'il est riche, qu'il nous fera des conditions très avantageuses, que je suis la première à le savoir et que personne d'autre ne doit le savoir. Jusqu'à présent, à ce qu'il paraît, nous sommes deux à le savoir, car monsieur le comte m'a fait la même confidence. Le comte Lasca sait que nous sommes amis. Il sait que je ne veux pas chanter sans vous. Il vous aura donc fait la même proposition en vous recommandant la même discrétion. Vous a-t-il dit le rôle qu'on vous donnera? Oh, il n'y a pas de doute là-dessus, je suis la première à le savoir, c'est à moi de choisir. Personne ne pourra m'enlever le rôle de la prima donne. S'il y a deux ténors, je veux être le premier. Cher Pasqualino, vous êtes jeune, vous avez un joli fossé et de bons aigus. Ne pourriez-vous tenir le rôle de premier castrat? Pour quelle raison? Parce que, mon doux trésor, je tiens à ce que même sur la scène, nous fassions l'amour ensemble. On chante avec plus de plaisir l'air de tendresse quand il correspond à ce qu'on éprouve. S'il y a un air qui dise « Chère âme, pour toi je soupire », on lui donne plus de force. S'il sort du fond du cœur et le public l'entend, se délecte et crie « Bravo !» On peut entrer? Qui est-ce? Vous connaissez bien Monsieur Macario, le librettiste. Oh, Madame Tudina! Et la femme? Êtes-vous sourd ou feignez-vous de l'être? Vous ne connaissez pas Anina la Bolognaise, surnommée Galette de Marron? Vous faites semblant de ne pas la connaître pour me faire croire que vous n'allez pas chez elle. Entrez, entrez, vous êtes chez vous! C'est reparti! De la tenue devant le monde et pas un mot au sujet du Turc. Votre serviteur. Votre servante, Madame Tudina. Aux ordres de Madame. Comment vous portez-vous? Pour vous servir! Vous avez un teint qui me réjouit. Et vous? Vous allez bien? Fort bien, grâce au ciel. Fort bien. Je suis à vos ordres. Alors, dites rien, où sont donc vos bonnes manières? Oh, mais je lui ai déjà présenté mes hommages. Hypocrite, je te démasque. Oh, mais je ne sais ce que vous dites. Et qu'y a-t-il? Vous avez rougi? Dites-moi, Madame Anina, il y a longtemps que vous avez perçu la visite de Monsieur Pasqualino? Il y a un bon moment, mon trésor. Et puis, faut-il que vous fassiez de ces scènes avec moi? Si Monsieur Pasqualino vous appartient, qu'il vienne ou qu'il ne vienne pas, que m'importe. Moi, je suis bien incapable de mauvaises actions. Ma question vous a fâché. Mais non, que croyez-vous? N'ayez crainte. Sous peu, je m'en irai. Chanter? Oui, peut-être. Je l'espère. Pour où peut-on le savoir? Je ne puis dire où. De quoi avez-vous peur? Vous pouvez vous confier à moi tranquillement. Je vous le dirai volontiers, car c'est un rôle qui, en vérité, me fait honneur. Mais je ne puis encore parler. C'est quelque secret. Je vous dirai, madame, que l'affaire est en pourparler et n'est pas encore conclue. Tant que le contrat n'est pas signé, madame Anina a l'ordre impératif de se taire. Pourquoi vous êtes son secrétaire? Je ne suis le secrétaire de personne. Mais c'est mon propre intérêt qu'on ne parle pas de cette affaire, car pour moi aussi, il y aura peut-être un engagement. Et si elle s'évente, un autre pourrait me souffler la place. Il s'agit d'un nouveau livret. Ou nouveau, ou arrangé. Ou arrangé, ou massacré. Je m'étonne, monsieur, vous ne connaissez pas mon talent. Allons, madame Anina, finissons-en. J'ai quelques bonnes raisons de me plaindre de vous. Pourquoi donc? Oh, qui croyez-vous que je sois? Bavarde, je ne le suis pas, je ne l'ai jamais été. Mais je vous promets, et je vous jure, que si vous vous confiez à moi, je vous ferai part moi aussi d'un secret. Qui sera peut-être encore plus intéressant que le vôtre. Vraiment? Je ne veux pas avoir l'air de me défier de vous. Monsieur Macario, je le dis ou je le dis pas? Je suis d'avis, moi, que vous feriez bien de vous taire. Vous, monsieur Macario, vous êtes comme tous les médecins, vous voyez le mal partout. Ah, c'est bon, approchez, vous allez tout savoir. Moi aussi, je suis curieuse d'apprendre votre secret. Mais je vous recommande la discrétion. Oh, à quoi bon, je vous ai donné ma parole. Sachez, madame Tonina, qu'un Turc est arrivé à Venise et que ce Turc veut monter une troupe. Ah, vous le savez, vous aussi? Quoi, vous aussi, vous le savez? Si je le sais, comment? Et dites-moi, pourrais-je savoir de qui vous l'avez su? Je ne puis le dire. Et vous, qui vous l'a dit? À moi, le comte Lasca. Apprenez que le même seigneur comte Lasca me l'a dit, en confidence, et sous le sceau du secret. Il a fait la même chose avec moi. Un beau tour qu'il nous a joué. Fameux protecteur. Si monsieur le comte vous a fait cette confidence à vous deux, c'est qu'il peut rendre service à l'une et à l'autre en même temps. Dans un opéra, il faut une prima et une seconda donna. Et toutes les deux, on peut vous engager. Ah, monsieur Macario n'a pas tort, la chose peut être tout à fait innocente. Oui, évidemment. Si on voit les choses comme ça, je me tais. Moi, la prima, vous la seconda, nous serons toutes les deux satisfaites. Mille pardons, le premier rôle, c'est à moi qu'il revient. Et pour quelle raison, madame? J'estime votre talent, mais j'ai dans la profession un peu plus d'ancienneté et de crédit que vous. Voilà 3 ans que je chante comme prima donna, et je ne vois pas pourquoi une débutante viendrait me supplanter. Une débutante? À qui croyez-vous parler? C'est vrai que je suis plus jeune que vous et je m'en flatte, mais une chanteuse capable d'improviser un rôle ne s'appelle pas une débutante. J'ai été jusqu'à présent seconda pour m'entraîner, pour apprendre à jouer, mais désormais, je ne veux plus être que prima. Et voilà, ces questions de préséance et de prétention mettent toujours l'enfer dans les troupes. Mais très chère dame, songez à obtenir des rôles et à gagner de l'argent. Vous n'êtes pas encore sûre d'aller à Smyrne et chacune de vous prétend déjà au rôle de prima donna. Vraiment? Monsieur Pasqualino est plein d'égards pour moi. C'est lui qui me conseille d'aller faire piètre figure pour un cachet de misère. Je vous ai parlé aussi honnêtement et respectueusement à l'une qu'à l'autre. Mais madame Anina, qui se flatte d'être jeune et qui l'est en effet, quand nous viendrons au nœud de l'affaire, vous rendra justice, je l'espère, et vous cédera la première place. Moi, je ne cède à personne. Et moi, encore bien moins. C'est moi qui arrangerai l'affaire. Ces librettistes qui écrivent des drames pour être mis en musique ou ne savent pas ou ne veulent pas se donner un peu de mal. Je ne suis pas de cette espèce. En pareil cas, je sais qu'on peut écrire 2 rôles égaux pour la parfaite satisfaction des chanteuses. Quand nous irons à Smyrne, je ferai un livret sur mesure où les 2 chanteuses auront chacune le même nombre de vers et d'airs et de jeux de scène. Et si on est dans l'embarras pour savoir qui doit sortir la première, je les ferai sortir toutes les 2 en même temps. Votre esclave, messieurs. Mes hommages à la très talentueuse fleur de canal et à la très belle galette de marron. Mon nom est Anina. Et moi, je m'appelle Tonina. Oh, n'est-ce pas l'habitude de porter un surnom? Moi aussi, je sais qu'on m'appelle Grumeau. Comme si j'étais un rebut de Farinelli. Mais je saurais montrer au monde que je suis de la plus distinguée et de la plus pure fleur de farine. Mais parlons d'autre chose. Mes chères dames, Pasqualino, mon ami, avez-vous des rôles? Êtes-vous engagé? Avez-vous des contrats, des propositions? Êtes-vous en pourparlers? Ou êtes-vous ici au chômage, sans cachet et sans espoir? Pour moi, grâce au ciel, je ne reste jamais longtemps sans engagement. Si j'ai envie de chanter, les rôles ne me manquent pas. Je suis fort connu et sûr de ne pas demeurer inactif. Bavardage, paroles creuses, châteaux en Espagne. Et vous, monsieur Macario? Avez-vous du travail? Comment employez-vous votre temps et votre extraordinaire, votre merveilleux talent? Plaisantez toujours, mon talent est reconnu. Il ne me manque que le moyen de le mettre en pratique. En vérité, mes enfants, vous me faites tous pitié. Je parie que vous n'avez aucun engagement en vue. Il y en a plus d'un qui sera blême si le contrat est conclu. S'il est conclu, vous me faites rire. Si il est conclu. Madame Tonina dit s'il est conclu, mais moi je dis qu'il sera conclu. En êtes-vous sûr? Vous avez signé, lieu intéressant, cachet substantiel, conditions avantageuses... Les conditions sont excellentes. Et on signera bientôt. On signera. On signera. Ah oui, monsieur, les affaires sont si bien avancées qu'on peut considérer la chose comme faite. Ah, combien de fois les choses presque faites s'en vont en fumée? Mes pauvres enfants, vous ne tenez rien de sûr entre vos mains et vos espérances reposent sur du vent. Vous ne vous rapporteront que tripette. Écoutez, je suis votre ami fidèle et je veux, moi, vous engager. Je veux vous accorder mes faveurs. Et quelle faveur ? Une fortune ! Fortune assurée, stable, extraordinaire ! Qu'en dites-vous ? Avec vos engagements, avec vos espérances, êtes-vous en mesure d'accepter les propositions d'un ami fidèle, d'un honnête homme et d'un maître tel que moi ? Écoutons si la chose nous convient. Si elle vous convient, quoi, vous ne me connaissez pas ? Croyez-vous que je vienne vous proposer un rôle de 100, 200, 300 doublons ? Des sequins par milliers. Fouette Carluccio. Quand je veux rendre service, moi, je m'y emploie comme il faut. Pauvre malheureux. Si je n'étais pas là, vous iriez vous galvauder. Oh, le rôle que nous avons en vue. Sornette. Si notre contrat est signé, comme je l'espère, comme j'en suis certain. Sornette, vous dis-je, Sornette. Mais écoutons les propositions de Messire Carluccio. Oui, mon pauvre Macario. Pour vous aussi, il y aura du pain. Allons, parlez. Cher ami, au fait. Écoutons, ne nous faites pas languir. Sachez donc, mes amis, qu'un Turc... Quoi, vous riez? Mais oui, messieurs, un Turc de Smyrne, riche négociant, veut monter une troupe avec un nouveau livret. Ah, vous le savez, vous aussi. Et c'est cela le grand projet, la grande faveur que messieurs Carluccio de t'accorder à ces pauvres malheureux. Mais comment diable le projet de ce Turc est-il arrivé jusqu'à vos oreilles? Le comte Lasca. Le comte Lasca. Me voici, qui me demande? Monsieur, vous m'étonnez. Vous venez me proposer un rôle, vous venez me confier un secret en me recommandant la discrétion et tout le monde est au courant. Et vous, si je vous confie un secret, pourquoi allez-vous le crier sur les toits? Le beau secret. Nous sommes cinq ici et tous les cinq nous sommes au courant. Je pourrais vous dire que j'ai fait cela pour m'amuser. Et un tel aveu n'ôterait rien au respect que j'ai pour vous. Mais en vérité, si je vous ai mis tous dans le secret, c'est parce que j'avais l'intention de vous rendre service à tous. Il y a place pour vous tous. Et quand je vous ai demandé de ne parler à personne, c'était pour vous empêcher d'en mettre d'autres au courant. Et comme vous êtes cinq en avoir parlé entre vous, vous aurez fait de même avec 10 autres, peut-être avec 100 autres. Aussi, je m'en lave les mains. Oh non, non, monsieur le comte, ne nous abandonnez pas. Oh, quant à moi, je vous assure que je n'en ai parlé à personne. Écoutez... Je suis bon par nature. Vous me faites pitié. Je veux vous pardonner cette faiblesse. Je serais fâché de vous voir manquer cette belle occasion. Spécialement le pauvre Carluccio. Oh, moi je ne dis pas que je n'allais pas volontiers à Smyrne pour me dépayser, pour voir des turbans, des moustaches. Mais enfin, s'ils veulent un bon castrat, je ne sais pas où ils pourraient en chercher un autre. Est-il impossible que vous mettiez une sourdine à votre présomption? L'humilité est une bonne et belle chose, mais il faut bien quelquefois que nous nous rendions justice à nous-mêmes. Et quand vous le faites vous-même, vous en ôtez aux autres la possibilité. Ne perdons pas de temps, querelles inutiles, car Messire Carluccio, quand il commence, n'en finit jamais. Oui, parlons de ce qui nous importe. Le Turc viendra-t-il chez moi? Si lui en fait la demande, j'espère qu'il ne vous dira pas non. Et chez moi, le ferez-vous venir? Avec la permission de Madame Tonina, vous pouvez l'attendre ici. Non, monsieur, non, en vérité, moi, j'ai rien à faire avec elle. Si le Turc veut m'entendre, il doit venir chez moi. J'ai moi aussi, grâce au ciel, un appartement très convenable. Même un prince pourrait y venir. J'ai un bon clavecin à ma disposition, j'ai ma maman, j'ai mon frère. Je refuse de me faire entendre hors de chez moi. Le maudit orgueil, je n'ai plus la souffrir. Avez-vous compris, monsieur le comte? J'ai compris. Et que dites-vous? Je dis que vous pouvez faire tout ce qu'il vous plaira, cela m'est complètement égal. Charmante réponse. Bravo, Madame Anina. Vous défendez votre honneur. Ainsi doit-on agir. Et si le Turc veut m'entendre, il doit venir chez moi aussi. Et chez vous aussi, M. Pasqualino. Ah, je ne suis pas moins que les autres. Et chez vous aussi, M. Macario. Oh, moi, je ne suis pas si difficile. J'irai chez lui 3, 4, 6 fois, autant de fois qu'il le voudra. Et je me recommande à votre protection. Oui, mon cher librettiste, j'aime votre humilité. Et je m'emploierai de bon cœur pour vous. Respect, M. Serviteur. Oh, approchez, M. Nibio. Mais respect, M. Nibio. Je suis tout entier à vos ordres. Comment se porte, monsieur l'agent dramatique des chanteurs en déroute? Fort bien. J'offre mes services à tout le monde et à Monsieur Carluccio aussi, s'il a besoin de moi. Ah oui, vous êtes ce grand homme qui a eu l'honneur de mettre pour la première fois ma personne sur une scène. Et je crois que c'est moi qui ai fait votre réputation. J'aurais fait la vôtre si vous vous étiez conduit avec un peu plus de jugement. Ah, cher Nibio, tu es fou, mais je t'aime bien. Si je vais à Smyrne, je t'emmène avec moi. À Smyrne. Cher monsieur Nibio, vous voyez comme le secret est bien gardé. Quel est l'âne qui a parlé, monsieur le comte? Quelle impertinence! Oh, excusez-moi, c'est pas pour vous que j'ai dit ça. Non. Ce qui est fait est fait. Tâchons d'y remédier. Maintenant que la nouvelle s'est répandue, nous devons nous dépêcher un peu plus. Pour tout le monde, je ferai ce que je pourrai, mais je ne suis pas habilité à signer les contrats. Le Turc m'a chargé des négociations et s'est réservé le droit de les conclure. L'imprésario doit venir chez moi. Chez moi aussi. À moins qu'il vienne d'abord chez moi. Non, chez moi. Messieurs, mesdames, pour ne faire de tort à aucun de vous, le Turc m'a dit tout net qu'il n'ira chez personne. Ceux qui veulent se rendre chez lui sont libres de le faire. Ceux qui ne veulent pas resteront chez eux. Et à ceux qui acceptent, je ne puis faire mieux que d'indiquer le chemin. Mais que m'aviez-vous dit, monsieur le comte? Je croyais pouvoir le faire venir ici. Mais je vois que le Turc a raison et je vous conseille d'aller chez lui. Mais voilà une chose terrible, une femme de mon rang, aller chez un imprésario. Jamais je ne l'ai fait, je ne commencerai pas aujourd'hui. Et vous, madame Anina? Pour moi, je ne sais, si j'y vais, ce sera avec ma maman, avec mon frère. Celle-là, elle voudrait me passer devant. C'est bon, monsieur le comte, puisqu'il s'agit d'un Turc qui ignore les usages. Peut-être irai-je chez lui, si vous vouliez bien avoir l'obligeance de venir avec moi. Pardonnez-moi, je vous obligerai volontiers, mais j'ai une affaire urgente. Allez-y, je vous rejoindrai. Nous nous retrouverons peut-être chez le Turc. Aucune envie de me montrer en ville aux côtés d'une chanteuse d'opéra. Je parierais qu'il a peur de payer la gondole. Pasqualino, me ferez-vous le plaisir de venir avec moi? Bien volontiers. Monsieur Nibio, voulez-vous avoir l'obligeance de m'accompagner? Je ne voudrais pas qu'il y aille avant moi. Quand voulez-vous y aller? Tout de suite, si vous voulez bien. Pardon, je vous suis. Comment, madame Anina? Vous allez vous faire entendre du Turc sans la maman et le frère? Non, d'une pipe, ce qu'elle peut m'agacer. Je suis chez elle, je peux rien dire, mais si nous chantons ensemble, j'y mettrai de l'ail plein la bouche. Font rire à se précipiter tous ainsi, comme si leur vie en dépendait. Moi, je ne demande rien à personne. Je garde ma dignité. Et celui qui veut de moi n'a qu'à venir me chercher. J'ai de bonnes jambes et j'espère arriver avant les autres. Ah, on entend de ces choses à vous faire dresser les cheveux sur la tête. Hein. Que dites-vous de cette présomptueuse d'Anina? Elle me traite comme si j'étais une chanteuse de 4 sous. Ignore-t-elle que j'ai chanté à Rimini, à Sinigalia, à Chioggia et à la foire de Rovigo? Pauvre cruche, elle n'est même pas digne de chanter avec moi le dernier rôle. Je la ferai crever de dépit le premier soir. Si l'on m'entend à Smyrne, ma fortune est assurée et celle de l'imprésario. Écrivez-moi un beau rôle, monsieur Macario, et soyez sans crainte. Je suis une femme reconnaissante. Je vous paierai le gîte et le couvert, sans compter quelques suppléments en proportion de mes succès. Pasqualino! À la bonne heure! Pour un pauvre auteur tel que moi, les suppléments des chanteuses ne sont pas difficiles à digérer. Monsieur, Quelqu'un désire vous présenter ses respects. Être honnête homme ou être canaille? D'après l'aspect, on dirait une personne honnête. Faire venir. Votre serviteur. On m'a parlé de vous. Et pour avoir le plaisir de faire votre connaissance, je suis venu vous présenter mes respects. Être homme ou être femme? Être homme! Avec votre permission. Je vois, monsieur, que vous ne me connaissez pas. Je suis un chanteur d'opéra. Et je puis me vanter d'être un des plus fameux, et peut-être le plus fameux de notre temps. Et je viens m'offrir à votre entreprise, non par besoin ou par intérêt, mais par pure curiosité de voir Smyrne. Smyrne, ne pas avoir besoin de ta personne. Si vouloir aller Turquie, moi je t'envoyais Constantinople, sérail de grand sultan. Pourquoi dans le sérail? Gardez femme de maître suprême. Pour qui me prenez-vous? Toi pas être eunuque? Monsieur, vous m'étonnez. Je ne suis pas de cette race infâme. Je suis un chanteur d'opéra. Être chanteur? Oui! Être chanteur! Qui pouvoir penser en Italie vouloir homme comme toi pour chanter femme? Turquie, vouloir femme pour femme? Je suis un soprano. Ma voix est argentine. Mais je joue et je chante dans les rôles d'homme! Pas être voix d'homme. Moi, je pas être assez âne pour vouloir chanteur qui miaulait comme chat. Les chanteurs comme moi sont rares dans le monde. On les estime et on les honore partout. Demandez-le à l'idiot! Lui qui est l'agent de votre entreprise vous dira que je suis un chanteur aussi célèbre qu'excellent. J'ai paru dans les meilleurs théâtres, partout où j'ai chanté. Les impresarios ont fait des bénéfices immenses. Une seule de mes roulades, un de mes trilles, une de mes cadences, ou simplement une de mes vocalises suffit à ravir le public. On n'a encore jamais entendu une voix comme la mienne, claire, forte, sonore, unie et sans défaut. J'ai 27 cordes vocales et toutes égales. Je connais toutes les finesses de la musique. J'ai le don du comédien. Je me donne comme un démon. Je m'habille avec élégance. Je corrige et éduque les débutants, et si c'est nécessaire, je peux écrire le livret ou diriger l'orchestre. Tes talents, pour moi, pas compter. J'ai vu une femme monter l'escalier. Être chanteuse? Il me semble. Comment être? Pas mal. Être seule? Il me semble avoir vu avec elle un certain Nibio. Nibio, oui. Nibio. Faire bien les choses. La restez bien. Vous voulez, monsieur? Ah! Être jeune, être joli. Voulez-vous m'écouter, monsieur? Allez, diable! Votre très dévouée servante. Chanteuse? Oui, monsieur, pour vous servir. Asseoir, près de moi. Avec votre permission. Elle assise et moi debout, je ne tolérerai pas cette impertinence. Dire ton nom. Annina, pour vous servir. Ta ville? Bologne. Plaire beaucoup ta grâce bolognaise. Vous êtes trop bon. Avoir talent comme avoir beauté. C'est pas à moi de le dire, mais Monsieur Nibiot me connaît et sait que j'ai du talent. C'est une jeune de grand mérite, je vous assure. Si avoir talent comme avoir beauté, rendre tous amoureux. Oui, Madame Anina a des qualités. Et si je le dis moi... Quoi ? Pourquoi parler ? J'ai une de ces envies de le tirer par le bout de ses moustaches. Me plaire infiniment tes manières. Trop aimable à vous. Combien vouloir être payé ? Si je lui plais vraiment, je vais me faire bien payer. Je suis jeune et raisonnable, mais... S'il s'agit d'aller dans un pays lointain, et ce qui est pire, d'y aller par mer, je ne partirai pas pour moi de 500 sequins. 500 sequins ? Pensez-vous avoir demandé beaucoup ? Moi, je n'y vais pas pour 1000. À ta personne, moi, je donne pas 30 sous ! Belle Polonaise, tout ce que toi vouloir. Nibio, employez-vous pour moi. Ce Turc ignorant ne reconnaît pas le mérite. Dites-lui, vous qui je suis, faites qu'il m'engage. Faites-moi donner un bon cachet. Je vous promets le 12%. Monsieur, si vous voulez former une troupe comme en Italie qui plaise aux Européens de passage à Smyrne, il est nécessaire que vous engagiez un castrat. Et pour vous parler sincèrement, castrat meilleur que lui, il serait difficile d'en trouver. Si chanteur nécessaire, toi tu trouvais chanteur. Tu trouvais castrat qui chantait pas comme femme. Excusez-moi. Ces chanteurs qui chantent avec des voix d'hommes s'appellent des ténors. Ce sont eux qui jouent les rôles de père, de roi, de tyran, mais pour le premier rôle, il faut un castrat qui joue le premier amoureux, avec une jolie voix, surtout pour les airs pathétiques. Non, moi, pas vouloir pathétique. Mais c'est une obligation. Vouloir musique gay. Le castrat est indispensable. Maudit castrat ! Maudit, toi également ! Vous l'engagez bien. Ah ! Engagez ton diable, ta peste ! Jolie petite chanteuse, pardonnez à moi. Ténor, castrat, plie me casser les oreilles ! Je vous en prie, ne vous mettez pas en colère, ne vous échauffez pas. Votre santé me tient trop à cœur. Être gentille, petite Bolognaise, être très gentille. Nous pouvons donc faire le contrat. Combien voulez-vous donner à un chanteur tel que moi ? Toi, parti. 800 sequins, je ne signe pas. Je veux 1000 sequins et le défraiement. Toi, parti. Ah non, je vais arranger la différence. Sans de plus, sans de moins. Toi, partir, maudit ! Que nous devrions revenir à un moment plus favorable. Et je veux un appartement confortable, une voiture et la petite garde-robe. Et je veux un livret qui me plaise. Et je veux... Si vouloir plus, si embêter encore, casser tête. Mes humbles respects, monsieur l'impresario. Avoir fait beaucoup de commerce, rien comprendre commerce de théâtre. Si chanter, être tous comme castrat, moi partir, ou tête éclatée comme citrouille. Mais si homme être insolent, femme être très gentille, moi si content de chère Anina. Vous me faites trop d'honneur. Dites-moi, monsieur, excusez ma question. Si j'ai l'avantage de venir avec vous, serais-je la prima donna ? Prima donna ? Oui, dans mon cœur, être première, si toi vouloir. Mais j'aurai le premier rôle. Quoi être premier rôle ? S'il y a deux femmes dans un opéra, il y a la prima et la seconda. Et je vous demande si je serai la prima. Prima, être meilleur que seconda ? Assurément. Faire tout ce que toi vouloir. Très obligée de votre bonté. J'ai bien fait de venir la première, il m'a donné sa parole. Je suis sûre d'être prima. Ma chérie, ma mignonne, qui être si gentille, donnez à moi blanche petite main. Non, là-dessus, excusez-moi, non. Pourquoi pas vouloir donner petite main? Tout le monde avoir dit à moi en Italie, chanteuse, être gentille. Non, je vais vous expliquer, monsieur. Il y a de ces chanteuses qui, avant que l'opéra soit monté, font les gracieuses et accordent des libertés à l'impresario pour l'obliger soit à leur donner un meilleur cachet, soit à les gratifier d'un bel habit. Et puis, quand les représentations commencent, elles envoient promener l'impresario et se mettent bien avec un chanteur ou avec un danseur. Moi, j'ai toujours été honnête. J'ai toujours donné la préférence à l'impresario, mais avec honnêteté. Et je serai toujours une amie fidèle pour vous, dans les limites de la modestie et de la décence. Être turc et rien comprendre à tout ça. Je veux dire que... Donne ta petite main et dire tout ce que toi voulez. Non. Monsieur. Quoi? Vouloir toi? Un chanteur ténor. Envoyez promener. Il y a une femme avec lui. Femme? Femme venir. Le jupon à ma dos, monsieur. Je parie que c'est la Tonina. Ta main pas à vouloir donner. Allons, je veux pas que vous ayez à vous plaindre de moi. Elle est là, je l'avais dit, elle est venue avant nous. Être belle comme canon. Respectueusement à vos ordres. Toi qui être? Tonina, chanteuse d'opéra pour vous servir. Et moi, monsieur, à je toi suis... À rien demander. Tonina, chanteuse, asseoir près de moi. Mille merci pour votre bonté. Pagars, elle a pris le côté droit. Si nous chantons ensemble, je lui mettrai de l'ail plein la bouche. Monsieur Pasqualino, avec la permission de monsieur, prenez un siège et asseyez-vous aussi. Quoi tu vouloir, toi, ici? Je suis venu avec quoi elle pour... Quoi avoir à faire avec toi? Pour ne pas venir seule ici, je me suis fait accompagner par lui. C'est un ténor de première qualité qui chante à la perfection et fait honneur à la musique. Ça figure pas être antipathique. Si savoir bien chanter, pourquoi ténor pas pouvoir remplacer castra? Et qui vous a dit qu'il ne peut pas le faire? Nibio, qui vouloir forcer moi, j'ai engagé maudit castra. Nibio ne sait pas ce qu'il dit. Je vous jure solennellement qu'un ténor comme lui vaut mieux que tous les castrats du monde. Nibio être fourbe, être fripouille, vouloir tromper moi par intérêt. Oh, cette chère amie veut placer son favori. Combien tu vouloir Oh, moi, monsieur, je ne suis pas difficile. Je partirai, si vous êtes d'accord, pour 400 sequins. Castra vouloir 1000, ténor 400. Au diable castra. Et toi, combien demander? Ce que vous voulez. Je sais que votre seigneurie est honnête homme. Votre belle physionomie aide mon goût et pour vous je chanterai, comme on dit, gratis. Tonina, être généreuse, discours si plaisant que tu peux être déçue, Dali. Si j'ai demandé une somme, monsieur, je l'ai fait pour vous obéir, mais de moi également, vous pouvez faire tout ce qui vous plaît. Être fourbe, Bolognese. Comprendre maintenant, Tonina, avoir mieux fait rien demander. Je vous ai parlé à cœur ouvert. C'est la première fois que j'ai l'honneur de vous voir, mais vraiment, vous m'inspirez de la sympathie. Moi aussi, à peine vous ai-je vu que je vous ai trouvé à mon goût. Être fourbe, Bolognese. Être toutes deux très jolies, toutes deux très gracieuses. Promettre toutes deux être engagées. Je ne serais pas opposée à ce que Madame Anina chante avec moi, mais entendons-nous bien, moi, la prima et la seconda. Chère madame, vous êtes venue un peu tard, le rôle de prima, c'est à moi que Monsieur Ali l'a promis. Vous le lui avez promis à elle. Non, mais moi, pas savoir quoi promis. Vous vous souvenez plus ou vous faites semblant de plus vous souvenir que vous m'avez promis le rôle de prima? Être prima ou être seconda, être pas pareil? Ah non, monsieur, ou prima ou rien du tout. Maudit point d'honneur, elle va gâcher ses chances et les miennes en même temps. Mais si cachet, être pareil, quoi vouloir plus? Peu m'importe le cachet, m'importe l'honneur. L'honneur? Dire-toi, second rôle, être rôle de coquine? Ah non, monsieur, le second rôle est même quelquefois supérieur au premier. Donc, être prima ou être seconda, être pareil. Ou prima ou rien du tout. Ou prima ou bonsoir. Allons, si m'aimez bien. Et ma réputation? Si avoir estime pour moi. Vous oubliez qui je suis? Pas même pour 1000 doublons. Pas pour elle. Je refuse absolument. Non. Non. Non. Toutes et deux, allez, diable! Une autre visite. Visite, basta. Une autre femme. Plie vouloir femme. Lui dirait-on de s'en aller? Attendre, dire-moi, qui être? Il me semble que c'est une autre chanteuse d'opéra. Être fatigué d'opéra. Plus pouvoir supporter femme. Dire-moi, être belle? Elle est très jolie. Ah, ferrante. Réfléchissez bien, si une autre se présente, vous n'y trouverez pas votre compte. Laissez-moi faire, je sais ce que je vaux et je ne crains rien. Très humble servante de Monsieur Ali. Pardonnez-moi l'audace. Monsieur le comte Lasca m'a dit que vous êtes un homme si agréable que je me suis décidée à venir vous présenter mes respects. Monsieur Nibio m'a dit aussi qu'on vous a parlé de moi et que vous vouliez me faire l'honneur de venir chez moi. Je n'aurais jamais permis que vous prissiez cette peine. Je suis venue moi-même vous présenter mes respects et faire votre connaissance et vous remercier de l'honneur que vous voulez faire à notre opéra en l'emmenant au-delà des mers. J'aime mon métier. J'estime et vénère les personnes qui ont le pouvoir et le désir de contribuer à sa gloire. Elle parle comme un livre imprimé. Quelle femme accomplie. Regardez avec quelle attention le Turc l'observe. Belle physionomie, beau discours. Avoir obligeance, toi, à soi. Si vous m'en donnez l'ordre. Moi aussi, je veux m'asseoir. Je ne veux pas rester debout. Femme, femme. Avoir respect pour femme. Asseyez-vous ici, monsieur. Non, être habitué Turquie, asseoir sofa ou coussin. Restez debout et supportez volontiers, gracieuse impolitesse, jolie femme. Mais ce n'est pas convenable. Si le maître de maison est debout, qu'on reste assis pour faire la conversation avec lui. Ces dames que je n'ai pas l'honneur de connaître seront sans doute des personnes de haut rang. Aussi me lèverai-je la première pour obéir à mon devoir. Elles ne sont pas plus grandes dames que moi, mais je connais les Turcs et je veux le submerger de politesse. Elle est à vomir avec son affectation. Qu'elle dise ce qu'elle veut, je suis bien où je suis. Votre nom? Lucrezia, pour vous servir. Être chanteuse? Oui, monsieur, à vos ordres. Avoir même métier, toutes ces personnes. Très humble servante de ces dames. Mes humbles respects. Tous ont l'air de me dédaigner. Ils ont raison, monsieur. Dépourvue de mérite comme je suis, inconnue et sans grand talent, je ne mérite pas que des personnes de haut rang me traitent mieux. Celle-là pas semblait vouloir faire caprice prima donna. Je crois, monsieur, qu'à l'heure qu'il est, votre esprit éclairé aura choisi les chanteurs les plus dignes de votre entreprise. Moi, qui en matière d'opéra appartiens au peuple inférieur, je ne pouvais pas prétendre être retenue. Il est vrai que la nature m'a accordé une voix dont il n'y a pas la pareille. Que sur scène, je tire avantage de ma taille et de ma présence. Il est vrai que beaucoup de maestri et de nombreux connaisseurs ont décidé en faveur de mon style. Que j'entends le contrepoint, que je sais improviser un rôle et que partout où j'ai chanté, on m'a montré une certaine indulgence, pour le dire en toute modestie. Mais je ne puis entrer en compétition avec des personnes d'un si rare mérite. Et ce serait une grande chance pour moi si, en vue d'apprendre le chant, j'étais jugée digne de paraître en scène avec elle. Vous entendez, j'ai l'impression qu'elle se peigne la tête. Qu'importe, ne lui faisons pas le plaisir de nous apercevoir de son ironie. Sa modestie plaît à moi beaucoup. Vouloir venir Smyrne? Oh, pourquoi pas? Si j'en étais digne, je partirais volontiers. Combien vouloir pour cachet? Nous parlerons de cela ensuite. Ayez l'obligeance de me dire d'abord en quelle qualité je devrais partir. Chanteuse, toi venir. Chanteuse, bien sûr, mais Je vous demande pardon si vous avez engagé une autre artiste avant moi. Je désire savoir quel rôle me sera destiné. Mériter être prima, mais pas pouvoir trouver femme pour seconda. Tu dois être très modeste, peut-être tu acceptes second rôle. Oh, cher monsieur Ali, vous m'honorez de 100 manières et je suis contente que vous ayez conçu de moi si bonne opinion. En ce qui me concerne, je n'ai pas de prétention et je ne suis pas sujette à l'orgueil. Tous les rôles pour moi sont bien et je les ai tous en même estime. Cela me chagrine seulement pour mon professeur. Il y va de sa réputation si on sait que je ne suis pas la prima donna. Mais que dirait ma ville? Mes parents, mes amis et mes protecteurs? Tout le monde serait déconcerté, offensé, furieux de ma docilité. La profession elle-même qui doit être soutenue se plaindrait de moi. Ces dames elles-mêmes qui m'écoutent et sourient entre elles. Que dirait-elle de moi si je consentais à une telle lâcheté? J'apprécie votre proposition, mais je vous le dis tout net. Si j'ai l'honneur de vous servir, ou prima donna, ou rien. Vous avez entendu le sermon? Vous avez admiré sa grande modestie. Et, monsieur l'imprésario, nous sommes toutes de la même farine. Vous connaissez mon sentiment et j'ai l'honneur de vous présenter mes respects. Je salue humblement monsieur Ali, si vous avez besoin de moi. Il reste là, bouche bée, stupide comme une statue. J'ose pas lui parler. Monsieur. Monsieur Ali. Je m'en vais, il me fait peur. Monsieur, je suis venu ici. Allez au diable, toi, maudit. Qu'avez-vous contre moi? Toi, avoir mis dans ma tête Monte Opera Smyrne. Moi, avoir écrit, avoir loué théâtre. Ami attendre Opera Smyrne. Ali, honnête homme, être engagé. Vouloir réussir, vouloir dépenser, vouloir faire tout bien. Et pas pouvoir trouver femme qui vouloir être seconda. N'y a-t-il rien d'autre que cela? Je ne pensais plus. Ne vous mettez pas en peine. Rien n'est si abondant au monde que les femmes de théâtre. Nous en trouverons pour le second, le troisième et le dernier rôle. Je vous en prie, monsieur. Attention pour l'enchaînement de la deuxième bobine. Attention pour l'enchaînement de la deuxième bobine dans 5 minutes. Enchaînement de la deuxième bobine dans 5 minutes. Attention pour l'enchaînement de la deuxième bobine dans 5 minutes. Librettiste, pourquoi faire? Prenez-le à votre service. Je vous ai amené un librettiste parce que notre entreprise en a besoin. Il composera de nouveaux livrets au goût du pays s'il le faut et arrangera les vieux. Si le chef d'orchestre veut mettre dans un opéra nouveau un air ancien, monsieur Macario possède le talent de changer les mots sous la musique, en sorte que personne ne la connaisse. Dites-lui aussi que j'indique les jeux de scène aux chanteurs, que je dirige le plateau, que je cours dans les loges avertir les femmes, que je surveille la figuration et que je siffle quand c'est le moment de changer les décors. Quelle salade, moi j'ai rien comprendre. Monsieur! Et cet autre, qui est-ce? Un bon peintre de théâtre. Attention pour l'enchaînement de la deuxième bobine dans 4 minutes. Enchaînement de la deuxième bobine dans 4 minutes. Attention, enchaînement de la deuxième bobine dans 4 minutes. Enchaînement de la deuxième bobine dans 4 minutes. Non, non. Combien de gens venus? Attendez, vous allez voir. Et vous avez les peintres et les machinistes. Ce monsieur est le chef des lumières. Cet autre monsieur, le chef des figurants, qui emmènera avec lui 32 personnes, toutes fort belles et connaissant bien le métier. Et ces messieurs sont les portiers. C'est de là les pages qui soutiendront la traîne des femmes. Ah. Cette dame est une bonne souffleuse, capable de souffler les paroles et la musique. Ces dames, préposées aux loges, donneront et récupéreront les clés. Ah, ce monsieur sait faire l'ours. Celui-là, le lion. Attention, enchaînement de la deuxième bobine dans 3 minutes. Et enfin, cet autre monsieur, grand et robuste, comme vous le voyez, a pour mission de battre des mains. Emmenez Smyrne, toute cette canaille. Ils sont tous indispensables. Eux, manger entreprise et impresario. Maudit agent. De vouloir ruiner Ali. Mais si à faire mal réussir, parole d'honneur. Attention, enchaînement de la deuxième bobine dans 2 minutes. Enchaînement de la deuxième bobine dans 2 minutes. Attention, enchaînement de la deuxième bobine dans 2 minutes. Il ne manquerait plus que ça. Ne craignez rien. Je vous ferai un livret qui ravira tout le monde. Et si jamais vous aviez le sort horrible qu'Ali vous a prédit, vous mourrez couvert de gloire. Et je vous composerai une épitaphe en vers. Je me moque de ces sottises. Et pense au danger qui m'attend. Mais je ne veux pas négliger pour autant de saisir ma chance. C'est là mon métier. Je le fais de mon mieux, et en cas de malheur, je me conduirai comme les autres. J'essaierai de me tenir près de la caisse, et au premier vent favorable, je m'embarquerai pour l'Italie. Attention, enchaînement de la deuxième bobine dans 1 minute. Enchaînement de la deuxième bobine dans 1 minute. Attention, premier décompte pour démarrage de la deuxième bobine, deuxième décompte pour la commutation antenne. Attention pour le démarrage de la deuxième bobine. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Top, commutation antenne. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top, commutation antenne. Je regrette de n'avoir pas pu me trouver chez le Turc. Mais j'ai su tout ce qui est arrivé là-bas. Les deux autres femmes ont eu des prétentions ridicules. Et je vous donne raison d'avoir voulu soutenir votre réputation. Et moi, je sais qu'à présent, vous vous moquez de moi. Pourquoi? Parce que vous me donnez raison maintenant, mais quand vous serez avec les autres, vous leur tiendrez le même discours. Vous ne me connaissez pas et me calomniez. Je vous jure que c'est avec vous que je me sens le plus engagé. Trêve de faribole et venons-en au fait. Serais-je la prima donna? Oui, je vous le promets. Et la preuve? Après que vous avez quitté le Turc, je suis allé chez lui. Je l'ai trouvé au comble de l'agitation. Nibio lui avait fort imprudemment échauffé la cervelle en lui présentant une armée de piques-assiettes. Je me suis efforcé de le calmer. Je me suis engagé à prendre soin de ses affaires. Dans l'état où il se trouve, il lui semble qu'en ma personne, c'est le ciel lui-même qui vient à son secours. Enfin, il a confiance. Il se recommande à moi, et pour suivre mes conseils et répondre à ma sollicitude, il m'a donné sa parole qu'il viendra ici, chez vous, ce soir. Le Turc viendra chez moi? Il me l'a promis. Oh. Et je l'attends. Au moins, j'aurai le plaisir de lui parler toute seule, sans la fâcheuse présence de ces deux impertinentes. Cependant, je dois vous dire que Madame Anina et Madame Tonina viendront également. Quoi, elles viendront chez moi? Non. Chère Madame Lucrezia, ne dites pas chez vous. Nous sommes dans une hôtellerie. Tout le monde a le droit de venir ici librement. Si vous ne voulez pas les recevoir dans votre chambre, Beltram leur en donnera une autre. Et vous alors? Non, non. Qu'elles viennent, si elles le veulent. Il me suffit que vous soyez là, qu'elles n'aient pas l'audace de faire les pinvèches dans ma chambre. Je vous assure qu'elles mettront leur cerveau à l'endroit. Elles me connaissent. Elles savent que là où je suis, on ne fait pas tous ces caprices. Je leur ai déjà parlé. Et quand elles viendront, vous verrez qu'elles vous traiteront avec la plus grande politesse. Si on me traite bien, je réponds avec la même amabilité. Je pense même que si elles viennent dans ma chambre, il faudra leur offrir quelque chose. Oh, ce n'est guère utile. Je ne parle pas d'un vrai buffet, mais d'un peu de café, d'un peu de chocolat, comme c'est notre coutume à Florence. Tout cela, croyez-moi, est superflu. Quelle porte ! Je vais donner les ordres. S'il fallait le faire, ce sera à moi de m'en occuper. Si vous le voulez, je ne m'y oppose pas. Je le ferai si c'était nécessaire, mais elles ne viennent pas chez vous pour bavarder, elles viennent pour affaires. Ce serait une affectation. Ah, voici Madame Tonina. Faites-lui bonne mine. Cela vaut mieux que tous les rafraîchissements du monde. Mes humbles respects. Votre dévoué servant. Vous vous portez bien? Pour vous servir. Alors, mesdames, j'aurais plaisir à vous voir bonnes amies et bonnes camarades. Ce serait pour moi une chance si j'avais le grand honneur d'être dans la même troupe que madame qui est si bonne et si généreuse. Tout le bonheur serait pour moi de jouir de la compagnie d'une personne si aimable et si courtoise. C'est là un effet de votre bonté qui donne encore plus de mérite à votre talent. Vous vous trompez, madame. Je n'ai aucun mérite. Mais quelles manières exquises. Que madame me plaît. Ces amabilités excessives sûrement ne viennent pas du cœur. Si nous allons à Smyrne, nous vivrons ensemble dans le bonheur et l'amitié. Et sur le bateau? Sur le bateau. Je tiens à ce que nous passions le temps agréablement. J'emporterai mon épinette et je vous ferai répéter votre rôle. J'accompagne quelquefois. Et vous? Cela m'arrive. Oh, vous serez parfaite. Êtes-vous soprane? Pour vous servir. À la bonne heure. Vous arrivez, j'imagine, jusqu'aux contrutes. Oh, même un peu plus haut. Oh, sapristi. Je m'en réjouis infiniment. L'honneur sera pour moi d'autant plus grand d'avoir une partenaire d'un tel mérite. Moi, je n'ai pas une voix extraordinaire. Vous en jugerez, j'ai 3 octaves d'une grande pureté. Combien je me réjouis de votre talent. Je les écoute et ne me suis jamais autant amusée. Ce matin, chez le Turc, vous avez observé cette chanteuse? Qui est-elle? Comment s'appelle-t-elle? Galette de marron. Que signifie galette de marron? Comme cette jeune femme est bolognaise et qu'à Bologne on appelle galette de marron certains gâteaux de châtaigne, on lui a donné un surnom en rapport avec sa ville d'origine et avec son talent. La pauvre ignore ce qu'on dit d'elle. Il y a plus de 12 ans qu'elle étudie la musique. Elle ne sait pas encore solfier, la voix n'est pas homogène, elle crie, elle détonne, elle ne suit pas la mesure. Elle avale des mots et elle a 100 autres défauts. Maintenant, le plus piquant arrive. Et elle voulait chanter avec vous. Voilà ce que j'appelle de l'effronterie. Oh, chère madame, outre votre voix et votre science du chant, on voit que vous êtes habile dans les jeux de scène et dans les mouvements. Je crois que pour jouer, vous n'avez pas votre pareil. Si vous vous échauffez ainsi dans la conversation, mais que ne ferez-vous sur la scène ? J'admire surtout en vous ces gestes si naturels et ces mouvements des bras, cette manière d'accompagner les paroles de la tête, des mains et même des épaules. Voilà qui me plaît et me ravit. Le diable m'emporte si on peut se payer sa tête davantage. Il m'arrive de bouger un peu trop, en vérité. Mais c'est un effet de ma vivacité et de mon âge. Certes, vous êtes très jeune. Désormais, je suis vieille. Bon, quel âge avez-vous? 28 ans. J'en ai 30 désormais. Avec 10 de plus. Et vous? 30 ans. Vous ne les aurez pas encore. Et pourtant si, 30 ans sonnés. Je le crois sans peine. Et la bolognaise? Oh, à l'entendre, elle n'en a que 27. Oh, moi je lui en donne 34. Avec une rallonge. Monsieur le comte ne dit rien. Il se tient là, comme une statue. J'écoute, émerveillé. Mais nous parlons d'âge. Quel est le vôtre? Le mien, pas encore 23. Le chéri 23. Mettez votre doigt dans sa bouche pour voir s'il a fait ses dents. Qu'il y ait une justice pour tous. Si les années diminuent pour vous, elles doivent diminuer aussi pour moi. Quel fripon. Il me semble qu'on vient. Ah, voici sans doute la bolognaise. Oh, je veux aller à sa rencontre. Restez ici, ne vous laissez pas intimider par ces gens-là. Excusez-moi, je veux faire mon devoir. Il est vrai que ce matin, vous êtes restée assise, tandis que je parlais debout. Il se peut qu'ici, l'usage le permette, mais dans mon pays, c'est notre éducation. Elle vous a cloué le bec? C'est une orgueilleuse et une impertinente, je ne puis la souffrir. À la bonne heure, madame Anina, nous étions impatients de vous voir. Vraiment? Nous avons parlé de vous tout le temps. Qu'avez-vous pu dire de moi? Ce que vous méritez. Ce qui vous revient. Et moi, j'en suis le témoin. Je ne mérite pas ces amabilités, vous êtes de grandes artistes et moi, je ne suis qu'une ignorante. Oh, allons, allons, c'est trop de modestie. Dites-moi, monsieur le comte, notre ami n'est pas encore arrivé. On ne l'a pas encore vu. Notre ami, le Turc? Vous parlez du Turc? Nous l'attendons, nous aussi. Il me fait l'honneur de venir chez moi. Dites-moi, madame Anina, êtes-vous décidée? Voulez-vous vraiment partir pour Smyrne? S'il plaît au ciel. Mais, monsieur le comte, que voulez-vous faire de trois femmes? Je ne veux rien faire d'aucune. Mais comment ça? Silence. Voici monsieur Ali. C'est sur mes instances qu'il vient. Et je vous le jure, mesdames, si vous recommencez à vous disputer, je le renvoie et on n'en parle plus. Vous avez besoin de trouver un rôle. Tenez compte de ce que je vous dis. Et si les conditions ne vous conviennent pas, sachez que je m'en moque éperdument. Des candidates, il y en a une centaine. Et voici la règle que je fixe. La première d'entre vous qui ouvre la bouche et se plaint et fait du vacarme sera exclue de cette entreprise. S'il ne m'a pas menti, je serai la prima donna. Faudra se taire et se résigner. Je veux à tout prix partir pour Smyrne. Entrez, monsieur Ali. Tout est prêt. Elle ne fait rien du tout. Je suis content que vous assistiez vous aussi au contrat. Ces trois dames, je vois aussi, désirent partir, toutes les trois avec vous, et chacune d'elles a son mérite. Femme, être trois. Vous taire. Je vais vous dire pourquoi. Sans augmenter la dépense, il y a place pour toutes les trois. Si prima et seconde à faire tant de raffus, terza être infernale. Ne vous inquiétez pas, la troisième peut être utilisée comme terza donna si le livret en exige une. Et s'il n'en faut que deux, la dernière jouera travestie en homme. Certainement pas moi. Ni moi pour sûr. Silence ! Je n'ai rien dit. Comte, tu es le patron. Et je vais terminer cette affaire. Mesdames, nous voulons comme prima donna celle qui nous plaît et qui nous semble bon de choisir, qui n'est pas contente, peut s'en aller et qui accepte n'aura pas lieu de s'en repentir. Bravo, comte, tu dois être très fort, moi, Metter. Que madame Tonina et madame Anina prennent donc patience pour cette fois. Nous avons choisi pour le rôle de la prima donna madame Lucrezia. Et je souffrirai cet affront. Je dois avaler cette offense, sans me plaindre. Ou se taire, ou s'en aller. Parlez-vous, monsieur Ali. Faites-moi justice. Moi, j'ai rien vous voir. Comte, être impresario. Comte, être patron. Être béni, comte. Avec moi, les choses vont toutes seules. Allons, madame Lucrezia. Faites à monsieur Ali votre compliment. Je remercie monsieur l'impresario. Et monsieur bons offices. Mais voudriez-vous avoir la bonté de me dire quel sera mon cachet? Comte, parlez. À combien prétendrait madame Lucrezia? Voyez-vous-même? Non, parlez en toute liberté. À une prima donna, à une femme de mon rang, et puisqu'il s'agit d'aller à Smyrne, Au fait. Veut-on me donner moins de 600 sequins? Monsieur l'impresario ne veut en donner que 400. Oh, excusez-moi, monsieur. Ce cachet ne... Suffit. Combien demanderait madame Tonina pour le rôle de la prima donna? Pour moi, je suis désintéressée. Je me contenterai... Oh, s'il s'agit d'être généreux, j'en suis capable moi aussi. J'accepte les 400 sequins. Voilà. Une affaire réglée. Bravo, comte. Toi, être très fort. Et madame Tonina, combien demande-t-elle pour le rôle de la seconde donna? Non, et moi, monsieur? Pour l'instant, je ne vous parle pas. Votre tour viendra. Vous me destinez donc... Où se taire, où s'en aller. Combien demande madame Tonina? Je dirais... Au moins... 250 sequins, vous suffisent-ils? Je ne puis, c'est impossible. Et vous, madame Anina? Attendez. Frais et voyage payé? Assurément, comme pour tout le monde. Vous acceptez? J'accepte. Bravo. Tu dois être très fort. À vous, madame Anina. Comme terza donna. Et pour les derniers rôles, à l'occasion. Une chanteuse telle que moi? J'ai 10 candidates. Et combien voulez-vous me donner? 100 sequins. Une femme de mon mérite? Ou dedans, ou dehors. Patience, j'accepte. Tout est conclu, tout est fini. Bravo, comte, tu méritais être pacha, être vizir. Hola, maître Beltrame, apportez tout de suite plume, encrier et papier. Nous ferons sur le champ les contrats. Et quand partirons-nous? Dites, monsieur Ali, quand croyez-vous que nous partirons? Bateau être prêt, demain vouloir partir. Toute la troupe venue chez moi demain matin bonne heure, apporter bagages pour embarquer péote et monter à bord, attendre bon vent. Vous avez compris, ils vous attendent demain matin de bonne heure. Ah, voici le temps, merci. Veuillez l'obligeance, madame la prima donna, de signer la première. Monsieur Ali, je regrette infiniment pour vous. Je vous parle en toute franchise, sans envie, de manière désintéressée et au seul nom de la vérité. Vous avez choisi une prima donna qui ruinera votre entreprise. Qu'en dites-vous, madame Anina? vous verrez le désastre. Si cette femme réussit, je veux bien perdre un œil. Pas être bonne chanteuse? Bonne chanteuse? C'est un faux! Qui ne sait ni chanter ni jouer! Vous entendrez, vous verrez. Je parie que vous serez obligé de la renvoyer au bout de 4 jours. Mais, comte, pas savoir? Mais monsieur le comte la protège, la monte en épingle et se moque de monsieur l'imprésario parce qu'il en pince pour elle. Rien de plus facile à voir. Cette passion lui a fait commettre une injustice à nos dépens. Est-ce possible, comte, vouloir moi trahir? Une affaire réglée. Venez, mesdames, signez-vous aussi, si vous le voulez. Moi, si j'étais la prima donna, je pourrais faire votre fortune. Vous ramasseriez une montagne d'or si vous aviez confiance en moi. Moi, je perds la tête. Qu'avez-vous, monsieur Ali? Vous paraissez troublé. Pas savoir, avoir doute, pas bien connaître ma lice italienne, mais craindre et presque regretter d'avoir fait ce qu'avoir fait. Pourquoi? Parce que payer pour avoir bon chanteur et craindre d'avoir mauvaise musique à Smyrne. Si vous parlez pour ces deux petites chanteuses, je suis de cœur avec vous. En fait, de musique, elles n'ont pas le sens commun et manquent de métier. Elles sont si mauvaises que même en temps de carnaval, elles ne trouvent pas d'engagement. Peut-être pareil comme toi. Je vous demande pardon. À Smyrne, vous constaterez ma science et mon talent. Moi, je perds la tête. Voilà, les contrats rédigés et signés. Pas savoir quoi faire, pas vouloir contrat. Bien, je les garde. Je les mettrai avec les autres et vous les apporterai demain matin. Je suis votre servante, monsieur Ali. Tôt demain matin, je serai chez vous avec mes bagages. Portez-vous bien. Dormez bien. Et souvenez-vous de nous faire préparer demain matin le chocolat. Ah, pas de chocolat pour moi. Vous avez sûrement du vin de Chypre. Préparez-moi une bouteille, je vous prie, avec des biscuits. Avec votre permission, je vais dans mon cabinet de toilette pour me déshabiller parce qu'il est tard. Si vous voulez rester libre à vous, je vous laisse la disposition des lieux. Votre servante, monsieur Ali. Je serai chez vous demain matin de bonne heure avec monsieur le comte. Votre très humble servante. Monsieur Ali, soit dit à mon honneur, votre troupe n'est pas mal montée en chanteuse. Et vous les avez à un prix. Comte, moi avoir peur que pour belle femme, toi vouloir tendre piège. Vous m'étonnez. Est-ce là vos manières? Est-ce comme cela que vous me remerciez de ce que j'ai fait pour vous? Cher comte, avoir pitié, pas savoir, avoir perdu la tête. Une bonne nouvelle. Messieurs, j'ai engagé le premier castrat pour 600 sequins et un second pour 200. Qui avez-vous engagé comme second? Certains Sganarello. Ce grossier personnage, monsieur, ne le prenez pas, c'est une caricature bonne à ridiculiser l'opéra. Excusez-moi, il est peut-être supérieur à Carluccio que vous protégez. Moi, pas vouloir castrat! Oui, mais le contrat est signé, il n'y a plus rien à faire. Et j'ai engagé par contrat 2 ténors. Moi, pas prévenu? Si on part demain, il fallait se dépêcher. Il n'a pas entièrement tort. Et j'ai engagé tous les ouvriers que vous avez vus dans votre chambre. Donc combien être en tout? Et j'ai calculé que nous serons en tout 70 personnes. Chalamana Kabalou! Et tout le monde, avant de partir, demande un acompte. Combien vouloir? Au moins 500 sequins en tout. Moi, j'ai donné 500 diables qui ont porté toi en enfer. Dites ce que vous voulez. L'argent est nécessaire. 100 sequins pour moi. reste. Quel embrouille, Amini. Quel pétrin. Quel métier infernal que celui d'impresario. Je suis familier des théâtres. Je connais, je fréquente les chanteurs et les chanteuses, mais je n'ai jamais voulu me mettre à la tête d'une entreprise. Pauvres impresarios. Ils se donnent un mal fou. Et qu'arrive-t-il ensuite? L'opéra fait un four, et c'est la faillite. Hola! Dans la maison! Mais y a-t-il quelqu'un? Vous dormez? Bon, et c'est une blague? On part ou on ne part pas? Oh, quel refus du diable! J'appelle, j'appelle, personne ne répond! Doucement, monsieur, laissez dormir les voyageurs! Le Turc est-il réveillé? Il est réveillé, il est sorti! Apporte-moi du chocolat, avec du pain grillé. Et où voulez-vous que je le prenne? Parce qu'il n'y a pas de chocolat. L'impresario ne l'a pas commandé. Va en acheter au magasin. Et qui payera? L'impresario paiera. Excusez-moi, il ne m'a pas laissé d'ordre à ce sujet. Bon, je paierai moi. Mais il est encore trop tôt. La boutique n'est pas ouverte. Quand elle ouvrira, je ferai venir le garçon. Mais moi, je ne peux pas attendre. J'ai l'estomac délicat. Je n'ai pas pris le temps de déjeuner pour venir de bonne heure chez cet âne d'impresario. Mais regarde s'il n'y a rien dans l'auberge. Monsieur, ce n'est pas une auberge, c'est une hôtellerie. Maudite soit, les hôtelleries et les hôteliers, ils sont aubergistes. Ils ne veulent pas qu'on dise une auberge. Apporte-moi à manger. Et je ne sais quoi vous donner. Et je ne vous apporterai rien du tout. Oui. Et moi, je te donne un coup de pied et je te donne un coup de cravache à travers la figure. Oh, vous me faites rire. Qu'allez-vous faire sur un bateau avec une cravache et des bottes? Animal. Les personnes de mon rang ne voyagent pas sans bottes. Et la cravache me servira à tenir les matelots réveillés. Prenez garde que si vous faites l'idiot sur le bateau, on vous jettera à la mer. Espèce d'âne! Ah, c'est d'insulte, hein? Vous parlez couilles du doge, je vous balance dans le canal! Mais mon cher ami, je n'en puis plus. J'ai besoin de me restaurer. Apportez-moi quelque chose, je vous en prie. Ah, si vous me parlez sur ce ton, c'est différent. Vous allez tout de suite être servi. Et que m'apporterez-vous? Un verre d'eau tiède. De l'eau? À une personne de mon rang? Ah, c'est tout ce que j'ai à vous donner. Prenez-le si vous le voulez, laissez-le si vous n'en voulez pas. Se sera fourré cet animal de Nibio. Pareil qu'il est encore en train de faire la cour à quelque chanteuse. Au lieu de venir me trouver, au lieu de m'apporter le premier quart en acompte, comme il m'avait promis. Bon sang. J'ai dû m'échapper de chez moi au petit jour pour éviter la foule de mes créanciers. Qu'est-ce que c'est que cette extravagance? On ne vend pas personne. Cette heure sonnée, je renvoie. Ah, voici le castrat. Votre esclave, monsieur Macario. J'ai vu l'impresario. L'animal n'est pas chez lui. Et Nibio? C'est pas encore montré. Il me semble qu'il aurait dû se trouver ici avant les autres. La compte. Il vous l'a donné? Ah. On n'a pas donné un sol. Il s'est levé de bonne heure. Il était chez lui. Il m'a dit qu'il était sorti avant l'aube. moi, avant de partir, j'ai besoin d'un peu d'argent. Vous avez quelques dettes, n'est-ce pas, mon pauvre ami? Oui, monsieur. Qui est sans dette n'obtient pas de crédit. Les dettes ne déprécient pas l'honnête homme. C'est aussi mon avis. Et avant de partir, je dois acheter plusieurs livrets qui pourraient m'être utiles. Et de quel livret avez-vous l'intention de vous pourvoir? Métastase! Carlo Goldoni! Les œuvres de Voltaire. Un recueil de vieilles tragédies. Et surtout, un bon dictionnaire de rimes. À Smyrne, je veux me mettre à fond dans le travail. Je composerai des livrets merveilleux. Pasticher sur les autres, oui. Cher monsieur Carlo, vous savez qui je suis. Avec mes plagiats, vous savez que je vais au-devant de vos besoins. Vous ne connaissez que deux airs, chantés, rechantés. Vous les placez dans tous les opéras où vous avez un rôle. Et combien de fois ne m'avez-vous pas demandé de changer les paroles à ces deux airs sempiternels? Je me souviens encore de celui que vous m'avez demandé de changer pour Gênes. Ah, vous ne m'avez pas donné le temps de réfléchir. Et pour faire rimer Asphodèle et Tourterelle, l'aile m'est restée dans la plume. Oh, des libertés de ce genre, vous autres librettistes, vous en prenez autant que vous voulez. Il est vrai que les licences poétiques nous sont permises. Ah, voici la bolognaise. Qu'est-ce que c'est que ce troupeau qui arrive avec elle? La maman, le frère et le serviteur avec la chienne. Je vois, je suis la première. Si j'avais su, je serais restée au lit encore une petite heure. Puisque j'y suis, moi, qui suis le premier castrat, vous pouvez bien y être vous aussi, non? Que font-elles à pas venir, c'est de mal à prise. Ils sont en train de se farder. Idiote que je suis pour pas faire attendre, j'ai même pas fait ma toilette. Et qui doit venir? Qui sont ces deux femmes qui se font attendre? Sirop de cédra et fleurs de canal. C'est vrai que vous avez le dernier rôle. Débarquons à Smyrne, nous discuterons ensuite. J'ai dû pour le moment avaler cette pilule, mais quand nous serons au-delà des mers, on verra qui est Annina la Bolognaise. Je prendrai votre défense contre l'impresario, contre tout le monde. Et si l'on veut s'opposer à ce que je dis et à ce que je veux, je jure, Fouette Carluccio, quel opéra fera fiasco. Me voici. Oh. Où est l'illustrissime madame la prima donna? Quelle folie d'être arrivée avant elle, cette grande dame veut se faire attendre. Où est l'impresario? Où est Nibio? L'argent. Pas d'impresario et pas de Nibio. Quelle impertinence. On ne m'a même pas envoyé une gondole. Pour la somme fabuleuse qu'il me paie pour venir, j'ai dû y aller de mon porte-monnaie pour 30 sols. Oh, allons, pour 30 sols, ne faites pas d'histoire. Entaisez-vous, éveillez sur mes bois. Comment se fait-il, madame, que vous ne soyez pas la prima donna? Qu'en dites-vous, hein? De l'estime en laquelle on tient aujourd'hui le mérite. Ce sauvage d'impresario et ce cher comte Lascam ont fait cet affront. À cause de cette malapprise. À cause de la Florentine. Exactement, à cause de cette perle rare. J'ai presque envie de déchirer mon contrat. Oh, ne craignez rien. Je trouverai le moyen, moi, de l'humilier et de l'exclure. Je dirais que je me refuse à chanter avec elle. Dans les duos. Vous connaissez mon talent. Non. Si nous chantons ensemble, tout le théâtre sera à nos pieds. Si on a besoin de duos, j'en ai 5 ou 6 de superbes. Excusez-moi, madame. Cela ne vous regarde pas. Vous avez le dernier rôle. Le dernier ou le premier, nous en reparlerons. Regardez, elle n'a pas honte de se mettre à notre rang. Moi, je suis le premier castrat. La prima donna doit être à mon goût. Oh, cher ami, je vous conseille de vous tenir pour le moment plus tranquille. Mais en quoi mes exigences vous regardent-elles? Êtes-vous jaloux, peut-être? Elle est bien bonne, celle-là. Vous faites la cour à domicile, moi je la ferai sur scène. Exactement. Nous ferons ce qui nous plaît. J'en ai assez de trimballer tout ce barda. Non, mais quel bruit, ramassez-moi, c'est quoi? Je suis fatigué. Ramassez-les-vous, monsieur Macario. Moi? Prenez pas cet air ahuri, vous pouvez bien me rendre un service. Vous êtes venu si souvent dîner chez moi. On verra, Smyrne. Je rendrai la monnaie de sa pièce. Son rôle, ses airs, tout sera détestable. Je me vengerai sur toute la ligne. Pauvre et orgueilleux. Jeune homme, faites-moi le plaisir de ramasser ces boîtes. Oh, faites-vous servir par votre propre serviteur. Bande de malotrus. Quand nous serons à Smyrne. Ah, mais voici la Florentine. Oh, vraiment, c'est pas trop tôt. C'était bien plâtré le visage, j'étais mis tous ses phares. Votre servante, de grâce, pardonnez-moi, vous m'avez attendu peut-être. Mais aucunement, mon cher trésor, ma déesse, ma princesse. Vous êtes la prima donna. Et vous avez le droit de vous faire attendre. Se moque d'elle, on dirait. Oui, oui, la prima donna. Quand nous serons à Smyrne. Quel pécor avec son perroquet. Et sa chatte. Où est l'impresario? Il est sorti. Il n'est pas encore revenu. Pourquoi me faire venir ici pour l'attendre? Avant d'embarquer, je veux savoir quelle place j'aurai sur le bateau. Oh, pour vous, il aura retenu un bâtiment spécial. Un navire de guerre. Je ne vous ai pas parlé, madame, et je ne vous réponds pas. Je veux, pour moi, la cabine du capitaine. Et je serai très heureux de la partager avec vous. Il convient que nous restions l'un près de l'autre. Sans doute. Vous êtes la prima donna. Vous êtes ma reine. Et nous devons nous tenir éloignés du vulgum pecus. C'est sérieux ce que vous dites, là? Mais n'ayez pas peur. Parlez pour de bon. N'ayez aucune crainte. Je suis tout à vous. Oh, toutes ces femmes sont sous le charme de mon talent et de ma beauté. Nous voici tous réunis. J'ai pas de l'argent, si on ne m'en donne pas, je ne peux pas vous en donner. Oh. Attendez l'impresario, il donnera à tous ce qu'il a promis. Oui, mais où est-il passé, celui-là? On m'a dit qu'on l'a vu avec le comte Lasca, et sous peu, ils seront ici. Mais que diable font-ils? Où seront-ils allés? Ah bah, je suppose qu'ils vont aller chez le banquier retirer l'argent. Ils ont attendu le dernier moment. Mais quelle impertinence! Votre serviteur! Où est l'impresario? Où est cet animal d'Ali? Il vient ou il ne vient pas? On part ou on part pas? Je me réjouis de voir toute la troupe prête, unis et décidés à travailler ensemble. Monsieur l'impresario envoie ses salutations et ses compliments à tout le monde et m'a remis cette bourse avec 2000 ducats pour que je les distribue à chacun selon son dû. J'espère que vous serez tous satisfaits. Mais doucement, avant de distribuer l'argent, je dois vous informer d'autre chose. Monsieur l'impresario, tout étourdi, et assommé par les chanteurs, par l'argent, par le librettiste, par les ouvriers, n'a pu fermer l'œil de la nuit. Mettant à profit son insomnie, il a pris la décision de faire le sacrifice des dépenses qu'il a engagées à Smyrne. Il envoie ses 2000 ducats en cadeau à la troupe, et au premier vent favorable, il est reparti pour Smyrne. Maudit impresario. Que faut-il entendre? Tenter ainsi une femme de mon rang. Vite, monsieur le comte! Commencez à partager les 2000 ducats! Allez, ça sent pour moi! Rappelez-vous que nous avons tous à nous rincer le gosier. Mes enfants, de cet argent, il vous restera fort peu à chacun. Si nous le divisons en un si grand nombre de parts. Écoutez un peu l'idée que je vous propose. Je le garderai en dépôt. Il nous servira de capital. Vous constituerez une société qui montera un opéra dont chacun aura une part. Ce sera pour le meilleur et pour le pire. Si l'opéra marche bien, vous partagerez les bénéfices. S'il tombe, j'espère que vous n'y laisserez rien de votre poche. J'accepte. Ah. D'ailleurs, ma personne suffit à elle seule pour le succès de cette entreprise. Je suis la prima donna. S'il s'agit d'une société, étant la plus ancienne, je dois être la prima. Non, nous ne sommes plus à Smyrne, les choses ne se passeront pas comme ça. Trêve de dispute et de préséance. Que la troupe reste telle qu'elle est, non, selon l'ordre établi. Si vous n'arrivez pas à vous entendre, mon intention est de dissoudre la société. Et comme le Turc m'a laissé toute liberté pour disposer à ma guise de cet argent, j'en ferai l'usage qui me semblera bon, en faveur de ceux qui se montreront le plus dociles, au détriment des présomptueux. Pour moi, je m'en remets à monsieur le comte. Vous me connaissez et je me recommande à votre protection. Nous nous en rapportons à la sagacité, à la générosité, monsieur le comte. Je m'aligne. Je ne veux pas qu'on dise que je fais la difficile. Madame Lucrezia est une chère amie à moi. Il n'y aura pas de friction entre nous. Oui, nous vivrons en paix. Voici un baiser. Un baiser. Un baiser. Je serai le directeur, si vous voulez bien. À la bonne heure. J'espère que vous vivrez tous en paix et que vous collaborerez tous en vue de l'intérêt commun. C'est là la différence entre une troupe constituée en société et une troupe engagée par un impresario. Si c'est un particulier qui paie, tout le monde rivalise d'orgueil, de prétention et d'effronterie. Si l'entreprise appartient aux acteurs, tout le monde se met à l'œuvre, sans regarder à la peine. L'impresario de Smyrne est une bonne leçon pour tous ceux qui veulent se lancer dans de telles entreprises qui sont difficiles, pleines d'embûches et le plus souvent ruineuses.